إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 47 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid et on est arrivé au chapitre 15 al-Bab al-Khamsa Ashar. C'est Bab Qawluhu Ta'ala ou Bab Qawlillahi Ta'ala. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية في الآية 191 dans le livre, puis c'est ça, on a mentionné quelques versets jusqu'à maintenant, puis là on va commencer au point où le cheikh mentionne un verset pour montrer la faiblesse de ce et l'impuissance de ce de des choses que les mouchriquins adorent. Le cheikh dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Donc l'ayat, c'est le verset 20 et 21 dans sourate An-Nahl, ça dit: et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ou ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ils ne créent rien et ils sont eux-mêmes créés et ils sont morts et non vivants et ils ne ressentent pas ou ils sont même pas conscients quand est-ce qu'ils vont être ressuscités. D'accord? Donc, comme on a expliqué plusieurs fois, souvent on a expliqué que les gens qui ont dévié dans le tawhid et qui ont commencé à prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, souvent ils disent que ce qu'ils prennent comme les gens des tombes lorsqu'ils les adorent, disent ça c'est pas shirk parce que nous on croit pas que ils peuvent créer. Donc il semble penser que le shirk c'est uniquement lorsque tu crois que ce que tu invoques peut créer, hein. Toutefois tout le monde sait que il y a rien en dehors d'Allah qui peut créer, hein. Même les mouchtiquins qui adorent les idoles, ils savent que ces idoles là ils ne créent rien, hein. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala il les frappe toujours par des versets avec ce genre d'arguments, hein. Comme Allah s'en a dit, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. C'est-à-dire, ceux que vous adorez, elles sont elles-mêmes créées. Et elles ne peuvent rien créer. C'est normal, elles sont elles-mêmes créées. D'accord? Donc, c'est pour montrer, en fait, que c'est la faiblesse de ces idoles-là et qu'elles n'ont aucun pouvoir. Maintenant, ceux qui essaient de dire, nous, on ne fait pas le shirk, parce qu'on invoque des êtres en dehors d'Allah, mais on ne croit pas qu'ils vont créer, ça aussi c'est quelque chose d'absurde, quelque chose de stupide en réalité. Parce que c'est pas simplement le fait de croire que quelque chose peut créer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est shirk, mais c'est le fait même de les invoquer et de les adorer en dehors d'Allah alors que tu sais qu'ils ne peuvent pas créer. C'est encore pire, d'accord? Et on voit cet argument-là clairement dans ce verset-là. Après le cheikh dit, wa qala ta'ala fi ta'jiz al-mushrikina wa alihatihim. يا أيها الناس ضرب لكم مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب سورة الحج في الآية 73 سورة الحج فدي أو نظام إن exemple une parabole vous est donnée. Alors écoutez, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent même pas créer une mouche ou un moustique, même s'ils s'étaient tous réunis pour le créer, pour fabriquer une mouche, ils ne peuvent même pas. Hein. Même si tous les scientifiques de la Terre se réunissent pour fabriquer une mouche, ils ne peuvent même pas. Et si la mouche leur enlève quelque chose ou leur prend quelque chose, ils ne seraient capables. Il ne serait jamais capable de la reprendre de cette mouche, hein. Alors, ça montre la faiblesse de ce qu'ils adorent ou de leurs idoles, hein. C'est-à-dire, si la mouche, comme on avait expliqué déjà, si la mouche vient sur une idole, et puis elle prend quelque chose de l'idole, de quelque chose qui a été offert à cette idole, en offrande, eh bien, la mouche va partir avec, et l'idole peut même pas la reprendre, tu vois. Donc, c'est pour montrer la faiblesse de ce qu'ils adorent. Le Cheikh dit, هذه المعبودات بجميع أنواعها سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو قبورا أو أضرحة أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين من المؤمنين كلهم يدخلون تحت هذا الوصف لا يقدرون على خلق شيء لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق فكيف يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que peu importe quelle sorte de chose, quelle idole, peu importe qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit des pierres ou des arbres ou des tombes ou des tombeaux ou des anges ou des prophètes ou des hommes pieux parmi les croyants, ils entrent tous dans cette description que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée du fait que ils ne peuvent pas créer rien, et ils sont eux-mêmes créés. Alors comment pourrait-on les prendre comme des idoles en dehors d'Allah ou les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit ensuite, وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ يَقُولُ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَشَيْئًا نَكِرَ فِي سِيَاقِ النَّفِي تَعُمْ يعني في سياق النفي تَعُمْ يعني لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلا ولو يجتمع العالم كله بما فيهم ولو يجتمع العالم كله بما فيهم المهرة والصناع والمهندسون والأطباء ويطلب منهم أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا. Donc le cheikh il dit que, ce verset-là il dit qu'ils ne peuvent créer rien, shay'an, c'est-à-dire ils ne peuvent pas créer une chose quelconque, n'importe quoi, peu importe, hein. Et donc ça implique qu'ils ne créent rien du tout, que ce soit petit, et que ce soit grand, ils ne peuvent rien créer du tout, et même s'ils s'étaient réunis ensemble pour le faire, ils ne peuvent pas. Le cheikh il dit peu importe, même si ce sont des génies, des artisans, des ingénieurs, des médecins qui se réunissent, tu prends les plus grands savants, les plus grands scientifiques, les plus grands ingénieurs, les plus grands médecins de la Terre et tu les réunis dans une pièce et tu leur dis créer quelque chose, ils vont jamais être capables de rien créer. Le cheikh il dit même si tu leur demandes de créer une graine de blé ou une graine de maïs ou une graine de céréales quelconques, ils ne peuvent même pas la créer. Subhanallah, hein. Donc tu vois la graine par exemple de blé ou d'avoine ou d'autres céréales, quand tu la regardes on dirait qu'elle est morte, elle est sèche, elle est morte, on dirait qu'il n'y a rien dedans, elle n'est pas vivante. Pourtant tu la mets dans la terre, tu mets un peu d'eau avec la lumière et puis elle commence à pousser. ça prouve qu'elle n'est pas morte, il y a quelque chose qui peut vivre dedans, si tu la mets dans l'endroit où il faut, et que Allah subhanahu wa ta'ala décide que ça pousse, ça y est. Donc ça, ça prouve que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut créer ces choses-là. Et s'ils se mettent ensemble pour essayer de la créer, ils ne peuvent pas. Donc ça c'est un exemple. Et le Cheikh dit « ثُمَّ قَالْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ » هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى فهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم فكيف تتخذونهم مع الخالق تتخذونهم مع الخالق سبحانه وتعالى هل هذا إلا من باب المكابرة ومن باب العناد ثم قال الشيخ الزيد Non seulement ils ne peuvent rien créer, mais ils sont eux-mêmes créés. Donc ceux que les gens adorent, comme on a dit tout à l'heure, sont des créatures d'Allah. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont des créatures d'Allah, ils ne se sont même pas créés eux-mêmes. Alors, ils n'ont pas créé autre que eux-mêmes non plus. Alors comment vous pouvez les prendre avec le Créateur et les adorer en dehors du Créateur? Est-ce que ça c'est pas autre chose que de l'orgueil et de l'arrogance, hein? Le Cheikh dit, فَالَّذِي يُشْرِكُ بِاللَّهِ أَيَّنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءِ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْحُجَّةِ فِي أَنَّ هَذَا الْمَعْبُودْ عَاجِزِ لَكِنْ أَيَّا الْعُقُولِ الَّتِي تُفَكِّرِ هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكرون وأنهم مهرة وأنهم مثقفون وأنهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الأموات ويذبحون لها وينظرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القرآن الشيخ الزي donc celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que c'est, cette chose qu'il adore avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette preuve est établie contre lui, que cette idole ou cette chose qu'il adore en dehors d'Allah, elle est faible, impuissante. Alors où sont les têtes et les raisons des gens qui réfléchissent, hein, où sont-ils ces gens qui réfléchissent et qui utilisent leur raison, hein, ceux qui croient qu'ils sont des penseurs, qu'ils sont des génies, qu'ils sont des gens cultivés, hein, et qu'ils sont, hein, tu les vois que quand ils arrivent devant les tombes, ils s'humilient devant les tombes et ils adorent les morts et ils sacrifient, ils égorgent des animaux en sacrifice pour les morts et ils font des vœux pour les morts et ils cherchent le secours de ces êtres-là qui sont enterrés et malgré ça, c'est des gens qui entendent le Coran et qui comprennent la langue arabe, Donc comment ils peuvent continuer à faire des choses pareilles, hein? C'est comme, ça c'est un argument pour ceux qui pensent que le fait d'être éduqué dans la dunya et d'avoir une éducation occidentale, scientifique, ça sauve les gens du shirk. Ça c'est faux. Il y a des gens qui peuvent être les plus occidentalisés au monde, avec tout ce que tu peux imaginer de science et de technologie. Malgré tout, il a une aqida de shirk et il croit qu'il peut adorer autre que Allah. Donc le fait d'être éduqué dans la société ou dans la mentalité occidentale, ça ne protège pas de l'égarement et du shirk. Hein? Beaucoup de gens par exemple en Occident qui sont d'une origine athée, qui sont d'une origine chrétienne et qui disent qu'ils sont devenus athées et que maintenant ils ne croient plus en la religion, tu les vois par exemple qui disent qu'ils ne croient pas à la religion, pour eux c'est une superstition et tout des choses comme ça. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là ont un malheur ou quand ils ont un grand problème dans leur vie? Ils retournent à quoi? Après avoir été athées, ils retournent au shirk. Ils retournent à la religion qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire la religion catholique, parce qu'ils n'ont pas connu d'autre chose. Ça veut dire que même s'ils avaient quand même des connaissances scientifiques et des technologies et tout ça, et qu'ils avaient renié la religion, parce que supposément pour eux c'était une superstition, mais quand ils ont réalisé qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre dans cette vie, que ça ne peut pas être juste la matière, et qu'il faut qu'il y ait un but à l'existence, ben au lieu de chercher plus loin puis d'essayer de voir la réalité du tawhid et que c'est faux d'adorer autre que le Créateur, eh bien il se tourne vers les statues et les prêtres et les idoles et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de revenir au tawhid. Donc ça prouve que ce n'est pas la connaissance scientifique, la connaissance scientifique et l'éducation occidentale, elle ne protège pas du shirk, bien au contraire même. Elle-même, elle est remplie de shirk, même pour les athées, il y en a qui pensent que l'athéisme ou le rejet de la foi en Dieu, que ça c'est, ça te protège, ou que c'est pas une forme de shirk, alors que ça en soi-même c'est une forme de shirk, parce que tu attribues à la matière et à la une chose matérielle des attributs divins, et ça c'est une forme de shirk. Allah c'est al-awwal wa al-akhir, et toi tu prends ces attributs-là, tu les mets à la matière, tu dis que la matière elle a pas de début puis elle a pas de fin, elle fait juste transformer, ça c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu attribues à cette matière une volonté, comme si elle se transforme d'une certaine façon selon un certain plan par elle-même, hein. Donc ça c'est attribuer à la matière une attribut divine, et tu lui donnes aussi il y a d'autres attributs comme ça, donc ça c'est tout ça c'est des formes de shirk, hein. Et puis hein, bon, il y a beaucoup d'autres aussi, mais on va continuer l'explication. Qu'est-ce que le shirk explique? Il dit wasumma qala سبحانه وتعالى ولا يستطيعون له النصر أي هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصر لمن دعاها إذا وقع المشرك في كربة أو في ضيق أو في مرض لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا بإذن الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ويقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وهنا يقول ولا يستطيعون لا يملكون المعبودون أي لا يملكون المعبودون لهم للعابدين نصرا عندما يتسلطون عليهم عدو أو يتسلط عليهم سبع أو يتسلط عليهم خوف فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فالنصر من الله ولو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا من هزموا في بدر ومن هزموا في الأحزاب ومن هزموا يوم فتح مكة وفي يوم حنين وفي يوم حنين أما المؤمنون فالله نصرهم سبحانه وتعالى وهم قلة وكانوا في بدر 312 والمشركون يزيدون على الألف. Donc on va expliquer ce passage. Le cheikh dit que les idoles ils ne sont pas capables de leur venir en aide et les secourir. Le cheikh dit que ces idoles, elles n'ont aucun pouvoir, elles ne sont pas capables de les secourir lorsqu'on les invoque. Et lorsque le mushrik a un malheur ou une difficulté ou une maladie, eh ben, il n'y a personne parmi les créatures qui peuvent les sauver de cette difficulté-là ou de ces problèmes-là, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Isra, le verset 67, et lorsqu'un mal vous touche sur la mer, vous oubliez tout ce que vous invoquiez, excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous invoquiez en dehors d'Allah, eh bien, vous les perdez, ils s'égarent, ils s'éloignent. Et il mentionne dans le verset 62 dans Surat Luqman, qui exauce ou qui répond à celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque, et qui lui enlève le mal qui est sur lui, et qui vous fait vous succéder les uns les autres sur la terre. Y a-t-il quelqu'un qui mérite, ou quelque chose qui mérite d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala? Non, certes, mais peu, mais vous vous souvenez que peu de ces choses-là. C'est-à-dire, qalilan ma tadhakkarun. Après, il mentionne le verset, un autre verset qui dit, avez-vous vu ce que vous évoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah veut pour moi un mal, est-ce qu'elles sont capables de me libérer de ce mal? Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut une miséricorde pour moi, est-ce qu'elles sont capables de retenir sa miséricorde? Dit Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. Et c'est sur lui que nous devons mettre notre confiance. Et aussi il dit, ولا يستطيعون لهم لا يلخلق لا سيد verse ولا يستطيعون لهم نصرة يلزي إيه إنه صن بكتاب لا يستطيعون لا ceux que les gens les mushrikins adorent ils sont pas capables de sauver ou de venir en aide ou de donner la victoire à ceux qui les adorent. Ok, ils sont pas capables. Lorsque, par exemple, un ennemi prend le dessus sur eux, lorsqu'un ennemi ou une bête féroce les attaque, ou bien qu'ils ont une grande peur qui tombe sur eux, eh ben, leurs idoles ne sont pas capables de les venir en aide. Hein? Et le cheikh, il mentionne des versets comme, par exemple, le verset 160 dans Sourate Ali Imran. Si Allah vous vient en aide, alors personne ne pourra avoir le dessus sur vous. Si Allah vous donne son secours et vous supporte, vous donne la victoire, personne ne pourra avoir le dessus sur vous. Et il mentionne le verset 126 qui dit dans Ali Imran, et la victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez à ça maintenant. Le mushrik, il est avec son idole, et il adore son idole, et il espère que cette idole va lui venir en aide, et le secourir dans la bataille contre son ennemi. Si son idole est vraie, pourquoi il perd? Si son Dieu est, si celui qu'il adore en dehors d'Allah est vrai, pourquoi il perd? Les mushrikins ne sont pas capables d'expliquer ça. D'accord? Alors le cheikh il dit, la victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, le puissant et le sage. Ça c'est le verset 126 dans Surat Al-Imran. Donc la victoire, on sait qu'elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La victoire ne vient que d'Allah. Après le cheikh il dit, وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَعْبُودَاتُ تُغْنِي عَنِ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مَنْ هَزَمُوا. Si leurs idoles, elles servaient vraiment à quelque chose, quand c'était la bataille de Badr, ils n'auraient pas perdu. Ils n'auraient pas perdu contre les musulmans. C'est ça ce que le cheikh explique. Et ils n'auraient pas non plus perdu dans la bataille de Al-Ahzab. Et ils n'auraient pas non plus perdu lors de la conquête de Mecca et le jour de Hunayn. Hein? En ce qui concerne les croyants, comme le cheikh dit, « Amma al-mu'minoun » فالله نصرهم وهم قلة. Le jour de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire aux croyants, alors qu'ils étaient peu nombreux. Ils étaient même pas 300 et quelques, hein, 310 et quelque chose, hein. Et les mushrikoun étaient plus que 1000, hein. Donc, les musulmans, le cheikh Izzi ou les musulmans, ليس معهم عدة ولا سلاح إلا قليل والمشركون مدججون بالسلاح وقد كان له وقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حتى الشيطان لما تراءى الجمعان قال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه وكان مع عباده فنصرهم على عدوهم مع قلة عددهم وضعف عددهم والمشركون لم يجدوا من ينصرهم أين ذهبت آلهتهم. Le chef il explique que les musulmans, quand ils sont arrivés au jour de Badr, à la base ils n'étaient même pas venus pour combattre une armée, ils étaient venus pour prendre une caravane. Donc on voit qu'ils n'étaient pas prêts pour se battre. Ils étaient 310 et quelques, et ils n'avaient pas beaucoup d'armes avec eux, tandis que les mushrikoun, ils étaient plus que 1000, comme on a dit, 1000 et quelques, et en plus de ça, ils avaient des armes avec eux, ils étaient prêts à se battre. C'était ça leur intention quand ils sont arrivés. Et le cheikh, il mentionne le verset 13 dans Surat Al-Imran, qui mentionne qu'il y a un signe pour vous dans le fait que ces deux armées-là se soient réunies. Il y a une des deux armées qui combat dans le chemin d'Allah, tandis que l'autre est mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes, subhanallah. C'est-à-dire que les mouchriquins, quand ils regardaient les musulmans, ils les voyaient plus nombreux que leur nombre réel. Ils les voyaient un nombre deux fois plus nombreux que eux, alors qu'en réalité ils étaient peu. D'accord? Et donc ça c'est comme si c'est en même temps c'est un miracle, qu'Allah a fait. Et donc voilà bien là un exemple pour les doués de Basir, qui ont Al-Absar. Et le cheikh il dit même le diable lorsqu'il a vu les deux armées réunies, eh ben il s'est enfui, hein, il est parti. Dans Surat Al-Anfal, le verset 48, il dit que le shaitan a dit je me désavoue de vous, et je vois ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les anges qui arrivaient. Ni ara ma la taroun. Et quand le diable leur eut embelli leur action, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui et je vous soutiens. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas et je crains Allah et Allah est dur en châtiment. Il vit l'arrivée des anges. Parce que les anges, ils sont venus pour aider les croyants. Donc, le cheikh s'est dit, أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه وكان مع عباده فنصرهم على عدوهم مع قلة عددهم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il était avec ses serviteurs, avec ses alliés, et il leur a donné la victoire contre leurs ennemis. Malgré qu'ils étaient un petit nombre, et malgré la faiblesse de leurs armes et de leurs préparations, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés et leur a donné la victoire contre les mouchriquins. Et les mouchriquins n'ont pas trouvé personne pour leur venir en aide, où étaient donc partis leurs idoles. C'est ça que le cheikh pose comme question pour montrer que qu'est-ce qu'ils adorent en fait, c'était des mensonges. Après le cheikh il dit ولا أنفسهم ينصرون أي هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع أن ينقذ نفسه فكيف ينقذكم. Ça c'est la suite du verset, ولا أنفسهم ينصرون, c'est-à-dire ils ne peuvent même pas se venir en secours à eux-mêmes lorsqu'ils sont avec un danger ou un problème. C'est pour montrer que ce qu'ils adorent est faible. Lorsqu'ils ont un problème, quelque chose, ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Alors comment ils pourraient vous sauver vous? هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع أن يتخلص من الموت ومن القبر ومما هو فيه مشغول عنكم بنفسه إما في عذاب وإما في نعيم لا يسمع دعاءكم وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم ولا تنصر نفسها الصنم الكبير يحطمه الطفل ولا يستطيع أن ينصر نفسه مع يقع عليه الذباب ويقدره ولا يستطيع أن ينفي عن نفسه الذباب الضعيف وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يروى أن بعض المشركين كان له صنم فجاء الثعلب وبال عليه فلما رآه عابده فكر وقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. ويدخل في هذه الآية كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار كلهم مخلوقات ضعيفة لا تستطيع أن تنصر نفسها فكيف تنصر غيرها. الشيخ يقول que les êtres qui sont morts enterrés dans leur tombe, ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes et se sortir de la mort ou se sortir de leur propre tombe. Ils sont occupés avec eux-mêmes dans leur tombe et ils attendent soit dans un châtiment ou soit dans un délice. Hein. Et ils n'entendent pas votre dua. Et ces arbres et ces pierres que les gens adorent en dehors d'Allah sont des choses inertes et elles ne peuvent pas vous secourir et elles ne peuvent même pas se secourir elles-mêmes. Même la grosse idole qui est une grosse statue, une grosse idole, un enfant est capable de la détruire. Un enfant est capable de la casser. Et ils ne peuvent même pas se secourir elles-mêmes. Et même si la mouche vient sur cette idole avec quelques saletés et qu'elle salit cette idole avec des saletés, l'idole ne peut même pas, elle n'est même pas capable d'enlever cette mouche et de se sauver elle-même contre cette mouche qui est faible. Hein? Et comme Allah il dit dans le verset 73 dans Surat al-Hajj, et même si la mouche leur enlève quelque chose, ils ne peuvent même pas la reprendre de cette mouche. L'idole ne peut même pas reprendre ce que cette mouche a pris. Et on a rapporté que un parmi les mouchriquins, une fois j'avais mentionné cette histoire-là, un mouchriq, il avait une idole et il a vu un coyote ou un loup, un renard qui est rentré et qui a uriné sur son idole. Alors quand l'adorateur de l'idole a vu ça, il a réfléchi là-dessus et il a dit, est-ce que un renard urine dessus, est-ce que ça mérite d'être adoré? Certes, celui que cette idole que les renards urinent dessus, eh bien, c'est certain qu'il est humilié, cette idole, ce dieu-là, il est humilié. D'accord? Et donc, il a réfléchi là-dessus et puis il a abandonné l'adoration des idoles. Et donc, le chef lui dit que tout rentre dans cet exemple-là. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah rentre dans qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce verset. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les anges, les prophètes, les hommes salihin, les pieux, que ce soit les arbres ou les pierres, elles sont toutes des créatures faibles et elles ne sont pas capables de se sauver elles-mêmes. Alors comment pourraient-elles sauver d'autres qu'elles-mêmes? Ça c'est pour l'explication du premier verset. Maintenant, l'autre verset que le cheikh il mentionne dans ce chapitre, c'est قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. Le verset 13 dans sourate Fatir. Le cheikh il dit وقوله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله لأن الاسم الموصول من سياق العموم فيشمل كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة أو غير ذلك. نعم tout ça ça rentre dans le cheikh dit que tout ce que vous adorez en dehors d'Allah سبحانه وتعالى. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est compris dans ce verset-là. Tout ce que vous adorez en Allah ne possède même pas la peau ou la pellicule qui recouvre le noyau de la date. Hein? Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah ne possède, ce que vous adorez en dehors d'Allah ou ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne possède même pas la pellicule qui recouvre le noyau de la date. Quand vous ouvrez une date, vous voyez ça, cette pellicule-là. Et c'est ça l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans ce verset-là. Et ça, ça inclut n'importe quoi en dehors d'Allah. Que ce soit des êtres humains, ou des pierres, ou des arbres, ou des anges, ou autre que ces choses-là. Et, al-qitmir, huwa al-risha al-arraqiq, al-lami yakunu ala al-nawah, ala al-nawah, wa huwa shay'un haqir. In tad'uhum, la yasma'u du'a'akum, wa law sami'u, mastajabu lakum. Le cheikh, il explique la définition de al-qitmir, comme j'ai expliqué. Et après, il dit que c'est une chose méprisable, ou pas méprisable, mais une chose futile, yani, insignifiante, hein, haqir. C'est une chose qui n'a aucune valeur, mais même cette chose-là, il ne la possède pas. Alors, il possède encore moins quelque chose de plus important. Et il dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre dua. Ils n'entendent pas, wa alaykum salam, Hamza. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas répondre à votre invocation. Le cheikh dit, يشترط في المدعو ثلاثة شروط. الأول أن يكون مالكا بما يطلب منه. الثاني أن يكون يسمع الداعي. والثالث أن يكون يقدر على الإجابة. وهذه الأمور لا تتفق إلا في الله، فإنه المالك السميع القادر على الإجابة. الشيخ الزي que pour que on puisse invoquer quelqu'un ou quelque chose, il faut qu'il ait trois conditions. Il faut qu'il réunisse trois conditions. La première condition, il faut qu'il possède ce qu'on lui demande. Comme on dit, فاقد الشيء لا يعطي. Il ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un s'il ne le possède pas. Donc, il faut que la chose que tu lui demandes, il faut que ce soit à lui. Il faut qu'il le possède. Deuxièmement, il faut qu'il entende quand tu l'invoques. S'il n'entend pas, ça ne sert à rien de l'invoquer ou de l'appeler, s'il est sourd ou s'il n'entend pas. Troisièmement, il faut qu'il ait la capacité de répondre et de t'exaucer, c'est-à-dire de donner ce que tu lui demandes. Si ces choses-là ne sont pas présentes dans la chose que tu invoques, eh bien, c'est bien entendu que tu ne seras pas exaucé, puisque ce que tu demandes en fait à cette chose, c'est batil. Et le cheikh il dit, ces choses-là, ces conditions-là, elles ne peuvent être présentes que en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui possède tout, et c'est lui qui entend tout, et c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses, et en particulier de répondre à nos invocations. أما هذه المعبودات فهي أولا فقيرة ليس لها مال ليس لها ملك. ثانيا لا تسمع من دعاها. وثالثا لو سمعت فإنها لا تقدر على الإجابة. Le cheikh il dit que les idoles que les gens adorent, ou les choses que les gens adorent en dehors d'Allah, même si ce sont des awliya, ou des salihin, ou des arbres, ou des tombes, ou n'importe quelle autre chose, ou même des anges, elles sont pauvres, c'est-à-dire elles sont elles-mêmes dans le besoin, elles ne possèdent pas, elles n'ont aucune possession. Deuxièmement, la tasma man da'aha, elles n'entendent pas ceux qui les invoquent. Et troisièmement, même si elles pouvaient entendre, elles ne peuvent pas répondre. Comme Allah le dit dans le Coran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Ça c'est la première condition, elle ne possède pas. إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Elles n'entendent pas. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ. Et même si elles entendaient, elles ne peuvent pas te répondre. Donc c'est les trois conditions dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset-là. Et c'est ce qu'il explique le cheikh. في قوله تعالى ما يملكون من قتمير انتفاء الشرط الأول. وفي قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا انتفاء الشرط الثاني. وفي قوله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم انتفاء الشرط الثالث. إذن بطل دعاؤه. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا جاء يوم القيامة يتبرؤون منكم وكل المعبودات من دون الله تتبرأ ممن عبدها يوم القيامة، حتى الشيطان يتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمستغيث بما أنا بمغيثكم، والصريخ المغيث يعني لا أقدر على إغاثتكم، وما أنتم بمصرخي، أنتم لا تقدرون على إغاثتي أو على إغاثتي، كقوله سبحانه: ضعف الطالب والمطلوب. Donc le cheikh il dit que lorsque, juste après avoir mentionné ces trois conditions-là dans le verset, après Allah explique, il dit: et au jour de la résurrection, ils vont renier ce que vous associez avec lui. Ils vont, les mouchriquins vont, les idoles vont renier, hein, le shirk que vous avez fait. Hein. Et ça c'est lorsqu'ils vont arriver au jugement dernier. Ces idoles que vous adoriez ou ces choses que vous adoriez en dehors d'Allah vont se désavouer de vous. Hein, elles vont dire on n'a rien à voir avec vous. Et ça c'est au jugement dernier. Même le shaitan il va se désavouer de ceux qui l'ont suivi et qui l'ont adoré ou bien qui l'ont obéi. Et il mentionne le verset dans le Coran qui parle de ça. Je pense que c'est dans le surat Ibrahim. Ibrahim, ouais. Lorsque les choses ont été jugées entre la créature, entre la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger entre les hommes, et le shaitan, il va dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux êtres humains qui l'ont obéi, il va leur dire: Allah vous avait donné une promesse, et c'était une promesse de vérité, et moi je vous avais promis, mais je vous ai trahi, ou je n'ai pas respecté ma promesse envers vous, et je n'avais aucun pouvoir sur vous, excepté que je vous ai appelé, et vous m'avez écouté, vous m'avez répondu. Donc, ne me blâmez pas, mais blâmez vous-même. Hein, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le shaitan, il dit, ne me blâmez pas moi, blâmez vous-même. Moi je vous ai juste appelé, j'avais aucun pouvoir sur vous, je ne vous ai pas forcé. Je vous ai évité, vous m'avez suivi. Alors ne blâmez pas moi, mais blâmez vous-même. Hein? Après il dit, moi je ne peux pas vous sauver, je ne peux rien faire pour vous sauver, et vous ne pouvez rien faire pour me sauver également. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Et ça ressemble au verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Da'ufa talibu wal matloub » c'est-à-dire les deux sont, on a montré la faiblesse des deux, celui qui adore et celui qui est adoré, les deux, hein, comme dans l'exemple du verset de la mouche et des idoles. Après le cheikh dit « Wa kadhalika al malaika yatabara'una mimman abaduhum yawma al qiyamah » قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذا أما نحن براء منهم وحاشا وكلا أن ترضى الملائكة ملائكة الرحمن بأن تعبد من دون الله أو بأن تعبد من دون الله فضلا عن أن تدعو إلى ذلك إنما هذا من عمل الشيطان أو الشياطين لشيخ الدين même les anges ils vont se désavouer de tous ceux qui les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset de sourate Saba, versets 40 et 41 qui dit « Et le jour où on va tous les ressusciter et les rassembler ensemble pour le jugement, et on va dire aux anges, est-ce que c'est vous que ces gens-là adoraient ?» Ils vont dire « Gloire à toi, c'est toi notre protecteur en dehors d'eux. » Mais en réalité, c'est les djinns qu'ils adoraient, et la plupart d'entre eux croyaient en les djinns, d'accord. Et donc, ça veut dire ils adoraient les shayatins. Et c'est les shayatins, c'est les diables qui les ont appelés à les adorer, à adorer les djinns et à les shayatins. Et les anges vont dire que eux, ils sont innocents. Et yani, c'est incorrect ou c'est pas acceptable de penser que les anges auraient été satisfaits d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même d'appeler les hommes à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça prouve que c'est clair que ce sont les actions des diables. En fait, aujourd'hui, moi je ne connais pas des gens qui adorent les anges, mais il y en a. En fait, même parmi les chrétiens, il y en a qui adorent les anges. Comme par exemple, parmi les chrétiens, il y en a qui font des prières à l'ange Gabriel, et qui le considèrent comme un saint, parmi les saints de l'Église. Les archanges. Ils les appellent les archanges. Ouais, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel en réalité. Mais eux, ils pensent que c'est autre chose. Et demande aux chrétiens, en particulier demande aux catholiques, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint, et ils pourront pas t'expliquer. Parce que la plupart, ils savent pas c'est quoi l'Esprit Saint. Ar-Ruh al-Qudus. Dans le Coran, Ar-Ruh al-Qudus, c'est le Coran. Ar-Ruh al-Qudus, c'est Jibril, alayhi salam. Eux, ils savent pas c'est quoi l'Esprit Saint, ils savent pas c'est quoi. D'accord? Donc, ils adorent l'ange Gabriel, mais ils savent pas. Et, quoi d'autre encore? Le cheikh, il dit, wa Isa, yaqulu Allahu lahu yawm al-qiyamah, wa idh qala Allahu ya Isa, ibn Maryam, a anta qulta lil-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. Il dit que même au jugement dernier, même Isa alayhi salam, qui était adoré par les chrétiens, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier va lui demander, oh Isa, est-ce que toi, oh Isa fils de Marie, Jésus fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Il va dire, gloire à toi, je ne peux pas dire ce que je n'avais aucun droit de dire. Si je l'aurais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qui est en moi, mais je ne sais pas ce qui est en toi. Et certes, tu connais l'invisible, hein, tu es celui qui connaît les choses invisibles. Je ne leur ai dit, hein, que ce que tu m'avais ordonné de leur dire, ce que tu m'avais commandé de leur dire, c'est-à-dire d'adorer Allah seul, mon Seigneur et votre Seigneur, mon Dieu et votre Dieu, hein, et vous étiez, j'étais témoin sur eux tant que je suis demeuré parmi eux, mais lorsque tu m'as remonté vers toi, c'était toi qui les surveillais, hein, et qui étais un surveillant sur eux, et certes, tu es témoin de toutes choses. Ça c'est le verset 116 et 117 dans Surat al-Ma'ida. Donc ça c'est la preuve qu'au jugement dernier, Isa il va se désavouer des chrétiens et de ceux qui l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire, j'avais rien à voir avec vous, moi qui, c'est pas moi qui vous a dit adorez moi et ma mère non plus. C'est-à-dire, vous adorez ma mère, vous adorez moi, ma mère vous a jamais dit de l'adorer, et moi je vous ai jamais dit de l'adorer non plus, ni de m'adorer moi non plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est du shirk, c'est batil, et j'ai rien à voir avec vous. Le shirk dit, وكذلك سائر المعبودات. Comme par exemple, اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. الشيخ دي لو أن لنا يتمنون كرة يعني رجوعا إلى الدنيا فنتبرأ منهم نتبرأ من هذه الأصنام المعبودات كما تبرأوا منا ولكن أين؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الشيخ دي دمن كتوك لزوت خوشوف كي سوى دوهي عند الله سبحانه وتعالى elles vont également se désavouer de ceux qui les adoraient, comme dans le verset dans Surat al-Baqarah 166-167, et Allah il dit, et ils vont, lorsque ceux qui ont été suivis vont se désavouer de ceux qui les ont suivis, et ils vont voir le châtiment ce jour-là, hein, ils vont voir devant eux le châtiment. وتقطعت بهم الأسباب et les liens entre eux seront brisés. C'est ça. Donc, et ceux qui ont suivi, le chef il dit que dans ce verset, il mentionne ce verset, la suite c'est وقال الذين اتبعوا لو أن لنا, et ceux qui ont suivi, ils vont souhaiter ce jour-là qu'ils auraient une chance de revenir dans la dunya pour se désavouer de ces idoles-là et de ce qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ces idoles-là les ont désavoués eux aussi, hein, au jugement dernier. Mais, bien entendu, comment pourraient-ils revenir à la vie? C'est impossible. Hein. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue la suite du verset, et c'est ainsi que nous leur montrons leurs œuvres, hein, qui est une source de remords pour eux, mais ils ne pourront jamais sortir de l'enfer. Hein? Donc, ça c'est un exemple aussi. Et après ça dit, وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. C'est-à-dire, et ceux qu'auparavant ils invoquaient les délestera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. Donc, ça c'est un exemple. Ça c'est dans la sourate Fussilat, à la fin, la dernière page. C'est ce verset-là. Mais bon, le cheikh il dit ensuite: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَلَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ الْأَحْقَافُ. وهذا خبر من الله عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة يخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا رحمة منه بعباده ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير لا ينبئك ويخبرك عن الأشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء والعواقب ويعلم المآل والمصير وهو يخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة فخذوا حذركم هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه لا ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمور أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يخبرك عن شيء ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه يكون واقعا لا بد منه وكذلك رسله لأنهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى أما هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات يقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها هؤلاء كذبة فلا تقصدوهم. Donc le cheikh il explique, il termine l'explication de ce verset-là en mentionnant un autre exemple en disant « Et qui est plus égaré que celui qui adore ce qui ne peut pas lui l'exaucer en dehors d'Allah jusqu'au jugement dernier, et ils sont indifférents de leurs invocations. » Ça c'est le verset 5 dans Sourate Al-Ahqaf, et on l'a mentionné dans le chapitre précédent. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire que ces idoles-là ou ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la dunya ils ne les entendent pas. Et lorsqu'ils seront rassemblés au jugement dernier, eh ben ils seront des ennemis pour eux. Et ils vont renier leur adoration, c'est-à-dire ils vont renier tout ce que ces idolâtres-là faisaient comme adoration pour eux. Et ça c'est une information qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la conclusion de ces mouchriquins-là au jugement dernier, qu'est-ce qui va leur arriver. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce jour-là, au jugement dernier, ils vont être reniés de la part de ce qu'ils adoraient. Et ça c'est dans le but de les voir se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous informe de ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe de ça pour qu'on soit informé, et ça c'est une miséricorde de sa part. Parce que, il nous informe de ce qui est bénéfique pour nous, et de ce qui est bénéfique pour le mouchriquin. Comme ça, quand le mouchriquin, tu lui dis, écoute, toi ce que tu adores là, Allah, il nous informe dans le Coran que au jugement dernier, cette idole-là, elle va te renier. Elle va dire, j'ai rien à voir avec toi. Et donc, c'est une information importante. C'est important de ça. Si tu connais ça, alors ça veut dire que tu peux éviter de te faire renier au jugement dernier par cette idole que tu adorais dans cette dunya, tu vois. Et donc, c'est ça le point. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » C'est-à-dire, personne ne peut t'informer mieux que celui qui est bien informé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il n'y a personne qui peut t'informer comme Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il connaît toutes les choses et il connaît leurs conséquences, et il connaît leurs conclusions et comment elles vont terminer. Et donc lorsqu'il vous informe de quelque chose, hein, et qu'il vous dit que celui qui a adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il va se faire renier au jugement dernier, alors prenez vos gardes. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, et personne ne peut vous informer des conséquences et des conclusions de nos actions et de leurs fruits mieux que celui qui les connaît et qui est bien informé. Toutefois, les ignorants ne peuvent pas vous informer de ces choses-là. Hein? Et même s'ils vous informent de l'information de ces choses-là, eh bien c'est une information qui sera incorrecte. Et toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est, comme on a dit, bien informé. Et la même chose pour les messagers, parce que les messagers, quand ils nous informent de quelque chose, eh bien, c'est une information qu'ils ont reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils sont bien informés. Toutefois, il y a des êtres humains, comme les musha'oudines, les charlatans, les soufis, hein, et les gens qui inventent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui invitent les hommes à adorer les tombes et les endroits où les hommes sont enterrés, eh bien ceux-là, ils mentent, parce qu'ils disent aux hommes, il y a une baraka dans cette tombe, il y a une nour, il y a une shafa'a, il y a ci, il y a ça, adorer les tombes, eh bien c'est des gens qui vous informent et qui vous mentent, hein, c'est des fausses informations qu'ils vous donnent, alors ne les croyez pas. D'accord. Donc ensuite le cheikh il explique le hadith qui est mentionné dans ce chapitre. C'est le hadith qui dit وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال سمعه يقول في هذا الوقت اللهم إلا عن فلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعون على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Ok, donc ça c'est le hadith qu'on a expliqué au dernier cours quand on a lu les textes de ce chapitre. C'est un hadith qui est rapporté dans le Sahih, il est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari, et il est selon Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, il s'est fait blesser, hein, il s'est fait blesser à la tête, et ses dents, deux de ses dents ont été cassées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment un peuple qui ont blessé leur prophète pourrait-il avoir un succès, hein? Et Allah a fait descendre un verset qui dit « Laysa laka min al-amri shay » Ruba'iyyatuhu. C'est peut-être les quatre. Ruba'iyyatuhu. Ah ok, une de ces canines. Ruba'iyya c'est ça, les canines. Il s'est fait casser une de ses dents. Une de ses canines. Donc c'est ça, je me suis trompé, je m'excuse. Et c'est ça. Allah a fait descendre le verset qui dit laisse la camina al-amri shay. C'est-à-dire, c'est pas, tu n'as rien à décider dans cette affaire-là. C'est pas toi qui décides s'ils vont avoir le falah ou non, ou des choses de ce genre. Et il y a une autre narration, selon Ibn Omar, radiallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, lorsqu'il se relevait du recours dans la dernière rak'a de Salat al-Fajr, « Oh Allah, maudit un tel et un tel après avoir dit Sami Allahu liman hamida » et faisait le dua du Qunut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre encore ce verset. « Laysa laka min al-amri shay » Ce n'est pas à toi de décider quoi que ce soit de cette affaire-là. En ce qui concerne, est-ce qu'ils seront maudits ou est-ce qu'ils seront guidés ou autre. Et dans une autre narration, ça explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations contre Safwan ibn Umayya et Sahl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset qui dit Laysa laka min al-amri shay. Donc on va essayer d'expliquer une partie de ce hadith-là aujourd'hui. La sourate qui mentionne Laysa laka min al-amri shay, c'est laquelle? Ali Imran 128. Ali Imran 128. Donc le cheikh il explique maintenant ce hadith. وقال في الصحيح يعني الصحيحين عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يسمى شجة وإنما يسمى جراحة. Le cheikh explique que le mot shujja, c'est une blessure sur la tête ou au visage en particulier, tandis que si c'est une blessure autre part sur le corps, on l'appelle seulement jaraha, on l'appelle pas shujja. Shujja c'est spécifique à la tête et au visage, donc il a été blessé au visage ou à la tête. Et il dit, yawma uhud, jabal yaqa fi shaman, sharqi min al-Madinah. حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر، فالمشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار لأنفسهم وجمعوا جنودا بقيادة أبي سفيان ابن حرب، جاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين الذين أصابوهم يوم بدر، جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين. وصار النفق في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، شرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا. فلما رأى خالد بن الوليد، وكان يوم ذاك مشركا، لما رأى الجبل فرغ وهو كان من الشجعان وساتة الحرب، عرف أن هذه الثغرة انفتحت لهم، فدار بمن معه وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلا والمشركون يضربونهم من الخلف، فحينئذ اختلط الجمعان المسلمون والكفار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وفي هذا نزل قوله تعالى لقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم، أي تقاتلونهم تقتلونهم، هذا في أول المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم عقوبة لكم. Donc ça c'est l'explication de un petit peu tout le contexte de la bataille de Badr et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, bataille de Uhud pardon. Cheikh explique que la bataille que Uhud en premier c'est une grosse montagne. Moi, quand j'étais à Médine, j'ai vu la montagne de Uhud et c'est une montagne immense. C'est vraiment une montagne immense. Et c'est là que la bataille s'est produite. Elle est rouge cette montagne, quand on la regarde de loin elle est rouge, et c'est là que la bataille s'est produite, la petite colline ou la petite endroit où les archers étaient stationnés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis à cet endroit là pour surveiller la bataille et protéger le dos des croyants, et bien c'est une petite colline minuscule yani, par rapport à Uhud. C'est comme si on compare une voiture avec le Mont Royal. Yanni, même c'est plus petit que ça encore. Parce que le Uhud, c'est gigantesque, Yanni, c'est pas comparé. Et donc, c'est ça ce qui est arrivé, c'est que la bataille de Uhud s'est produite une année après la bataille de Badr. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que les mouchriquins ont voulu se venger de leur défaite. De l'année précédente. Alors ils ont réuni une petite armée, puis ils sont partis ils ont pris comme chef Sofiane, Abu Sofiane ibn Harb, et c'est lui qui était à la tête de cette armée-là, et ils sont venus jusqu'à Uhud pour combattre les musulmans. Ils veulent se venger. Et ils sont arrivés donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ses compagnons, les Muhajirin et les Ansar, et ils les ont rencontrés à cet endroit-là, et il a placé les combattants. Et il a mis un groupe de Sahaba sur cette petite colline, cette petite butte, pour surveiller le dos des musulmans. Et la bataille est commencée, et les archers, ceux qui étaient sur la petite butte, ils protégeaient et ils surveillaient les musulmans. Lorsque les musulmans, au début de la bataille, ont commencé à avoir le dessus sur les mouchriquins, ils ont cru que, ils ont vu que, yani, ils ont suivi le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu que tout était bien, que tout était bien passé, et les mouchriquins commençaient à, yani, s'en aller, et ils commençaient à rassembler les butins, yani, tout ce que les mouchriquins avaient laissé. Et donc, ceux qui étaient sur la montagne ont dit, ceux qui étaient sur la petite colline ont dit, ça y est, ils ont gagné la bataille, et donc maintenant, on peut aller les aider à ramasser le butin. Et Abdullah ibn Jubayr, c'était lui qui était le chef de ce petit groupe-là qui était sur cette montagne, il a dit, ne bougez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit, restez ici, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Qu'on ait la victoire ou qu'on ait une défaite, ne bougez pas. Mais eux, ils ont désobéi, hein, et ils sont partis pour aller, ils ont désobéi leur chef et ils sont allés pour ramasser les butins avec les autres. Et Khalid ibn Walid à l'époque, qui était un des maîtres dans la guerre, mais qui était à cette époque-là encore un mouchrik, quand il a vu les gens qui étaient sur la colline s'en aller, quitter leur poste, eh bien lui, il a su qu'il avait une ouverture. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour et il a attaqué par la suite les musulmans par derrière. Donc ça veut dire que là maintenant, les musulmans se trouvaient attaqués des deux côtés, par devant et par derrière. Et donc la bataille a repris de nouveau. Et donc à cause de cette désobéissance-là, les musulmans ont été frappés d'une dure défaite ce jour-là, et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, et même qu'à un certain moment donné, les mouchriquins avaient même cru qu'ils avaient réussi à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne le verset 152 dans Surat Ali Imran, à ce sujet-là, au sujet de la bataille de Uhud. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche. Ça, c'était au début de la bataille. Jusqu'au moment où vous avez fléchi et vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en est parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, la dunya, hein, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Donc ça c'était pour tester les croyants, c'était une punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux musulmans pour les éprouver et pour leur montrer que quand ils désobéissent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être punis par plusieurs défaites. Et si c'était le cas d'une petite désobéissance, comme la désobéissance que ce petit groupe avait fait, eh bien imaginez les désobéissances des musulmans aujourd'hui qui désobéissent dans non seulement une petite ordre, mais dans un nombre incroyable d'ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment on pourrait espérer avoir une victoire quelconque dans l'état dans lequel on est? Et on oublie souvent que la victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas seulement des forces et des moyens matériels qu'on peut posséder. Même si on a toute la force, même si on a tout le nombre, si on n'a pas respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aura pas la victoire. Parce que la victoire, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce que ça veut dire. Le cheikh dit, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, shujja fi ra'sihi wa hushima al-mughfar ala ra'sihi. وغاصت الحلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل، كل هذا بسبب المعصية. انظروا يا عباد الله، معصية واحدة ليست من الجميع، وإنما هي من بعض الصحابة، حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق. فكيف بنا نحن، نحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه خطورة المعاصي، خطورة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé sur sa tête et son casque, les bords de son casque sont rentrés dans sa tête. Al-halqatan, c'est les deux. Ok. Mais les deux cercles ou les deux boucles. Mais c'est qu'il y avait deux boucles ou deux cercles qui étaient accrochés au casque qui sont entrés dans ses joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça l'a blessé. Et également une de ses canines, une de ses dents qui a été cassée, et il est tombé dans un trou. Et les mouchriquins ont cru qu'ils avaient tué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont commencé à crier cela, yani, on a tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shaitan a fait circuler cette idée-là aussi, et donc là les musulmans ont eu un plus grand malheur que tous les malheurs qui auraient pu arriver, même plus grand que la mort, hein, à cause de ce péché-là. Il dit, regardez aux serviteurs d'Allah, une seule désobéissance, et ce n'est pas une désobéissance qui est arrivée de tous les sahabas, mais seulement d'un groupe parmi les sahaba, et à cause de cette désobéissance-là, ils ont été punis, hein, ils ont été punis en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de nous-mêmes? Et on est en train de faire tellement de péchés et de contradictions et d'oppositions à la religion, alors la hawla wa la quwwata illa billah, c'est ça ce que le cheikh dit. Et ça montre le danger des désobéissances et de l'opposition à l'ordre du messager ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh il dit, ثم قال تعالى ولقد عفى عنكم, هذا تطمين لهم بعدما وبخهم سبحانه وتعالى لأنهم أحبابه وأولياؤه. الله سبحانه وتعالى par la suite il dit ولقد عفى عنكم, c'est-à-dire il vous a pardonné certes. Et ça c'est pour les calmer après qu'il les ait critiqué ou blâmé d'avoir désobéi. Pourquoi il mentionne qu'il les pardonne? C'est pour leur montrer que malgré tout, malgré cette désobéissance, ils restent quand même les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bien-aimés, ceux qu'il aime, parce qu'ils sont des mu'minines. Et وهذا من أدلة بطلان الشرك. Après il dit وقد شج النبي صلى الله عليه وسلم هذا, وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا تجوز عبادته. الشيخ يقول et la preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم il a été blessé sur sa tête, ça prouve que le messager صلى الله عليه وسلم il ne possède pas lui-même la capacité d'éloigner de lui-même un mal ou de faire venir un bien. Que même lui, le prophète صلى الله عليه وسلم, il peut être blessé comme tous les autres êtres humains. Et donc ça prouve qu'il n'est pas permis de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de lui demander de l'aide ou de nous protéger, puisque lui-même il peut être blessé. D'accord? Et donc وهذا من أدلة بطلان الشرك أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يستحق شيئا من العبادة. فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر وجرح، فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله. وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، فلا تجوز عبادة الأولياء والصالحين من دون ذلك، لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم، لا الملائكة ولا النبيون ولا الأولياء ولا الصالحون. العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Le Cheikh dit ça, ça prouve, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, ça prouve que, ça prouve que c'est la fausseté, que ça prouve la fausseté du shirk. Et que toute créature, peu importe le niveau élevé qu'elle peut atteindre, elle est toujours une créature et elle ne mérite rien de notre adoration. Parce que la plus noble des créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a lui aussi reçu ou été atteint de mal. D'accord. Peu importe donc le niveau qu'il peut atteindre dans la piété ou dans son niveau dans la religion, il ne mérite pas d'être adoré. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé, et ça prouve que il ne mérite pas d'être adoré en dehors d'Allah et que ce n'est pas permis de l'adorer en dehors d'Allah. Et si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toute autre personne qui est moins que lui, eh bien il mérite encore moins lui aussi d'être adoré. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le Cheikh il dit, donc toutes les créatures, il n'est pas permis de les adorer. Que ce soit des anges ou des prophètes ou des hommes pieux, ou des awliyas, des alliés d'Allah, peu importe. L'adoration, c'est un droit unique à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas permis de l'offrir à quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 188 dans Surat Al-A'raf, Allah dit aux messagers, dis aux hommes, je ne possède pour moi-même ni la capacité de faire du bien, ni d'éloigner un mal. La amliku li nafsi naf'an wa la darra. Mais je ne peux pas m'amener un bien, ni éloigner un mal, excepté par la permission d'Allah. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais augmenté tout le bien qui me vient sur moi, et aucun mal ne m'aurait touché. Hein? Je ne suis qu'un avertisseur, d'un châtiment et un annonciateur d'une bonne nouvelle pour les gens qui ont cru. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, s'il avait la connaissance du raid, il aurait ce jour-là, le jour de Uhud, évité la blessure qu'il a reçue. Hein? Et donc ça prouve que c'est qu'il ne connaît pas l'invisible et que c'est un être humain et qu'il peut aussi recevoir une blessure comme tout autre être humain. Ensuite, le Cheikh il dit, وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز عبادته من دون الله فكيف بغيره من الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع الدفع عن نفسه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة، لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا، ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل، وما يكون فعاتبه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهذا أيضا دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة الأمر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله والأمر لله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالأمر لله قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وإنما الرسول عليهم الصلاة والسلام وإنما الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة إلى الله ليس لك من الأمر شيء لا أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر التوبة ولا أمر الفلاح ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية وإنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله أنت ليس عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مبلغ عن الله فقط أما أنه يملك النفع والضر والنصر والرزق والحياة والموت فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى الشيخ يقول donc ça ça prouve tout ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas permis de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala donc si c'est le cas pour le prophète eh ben c'est encore la même chose pour les autres créatures et encore plus pour les autres créatures wa alaykum salam wa rahmatullah le messager il n'est pas capable de se protéger ou d'éloigner de lui-même un mal hein donc يعني الله سبحانه وتعالى فصا كيدي ليس لك من الامر شيء le verset 128 dans sourate Ali Imran ce n'est pas à toi qu'appartient rien de cette affaire qu'ils se repentent que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentance ou qu'ils les punissent car ils sont injustes hein, c'est Allah qui décide donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé au jour de Uhud il a dit comment un peuple pourrait avoir un succès le succès alors qu'ils ont blessé à la tête leur prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de dire comme que c'est impossible ou que c'est presque impossible que ces gens-là soient guidés ou qu'ils aient un succès c'est-à-dire qu'ils rentrent au paradis après avoir fait un tel péché ou un tel acte et il a comme essayé de remettre en question ou de douter le fait qu'ils pourraient être sauvés par la suite ou qu'ils puissent accepter la da'wah après ça parce qu'ils ont atteint un niveau de transgression et un niveau d'opposition et de dépassement de la limite hein, que c'est très dur, ce serait très improbable que ces gens-là acceptent l'islam après ça mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui connaît le futur ou l'avenir et c'est lui qui sait comment les choses vont se produire et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'avoir dit une chose pareille et il a fait descendre le verset qui dit laysa laka min al-amri shay c'est pas toi qui contrôle rien dans cette affaire là c'est pas toi qui décide de ces affaires là qu'il accepte leur repentance ou qu'il les punisse car ils sont injustes hein? Et ça c'est une autre preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite rien de l'adoration et que tout le commandement et l'ordre appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui organise et détermine ces choses-là. Et le messager, la seule chose qui lui revient, c'est de transmettre le message et l'ordre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahu al-khalq wa l'amr. Hein? C'est certes à Allah qu'appartient le commandement et la création. Et que Allah soit béni, le Seigneur des mondes. Donc le commandement appartient à Allah. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ dit le commandement tout entier appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les messagers, ils ne sont là que pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font que le transmettre. C'est comme je dis à les frères, c'est les facteurs. Hein, quelqu'un leur donne une lettre et eux ils viennent et ils le donnent. C'est ça leur travail. Ils transmettent le message. Ok? C'est ça, ils appellent les hommes à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh dit, il mentionne le verset encore, il dit, laïsa laka min al-amri shay. C'est pas toi qui décides rien de cette affaire-là. Ni de la victoire, ni de la défaite, ni de la repentance, ni du succès, ni du fait que les gens rentrent dans l'islam, nous sont guidés. Tout ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu n'as rien dans cette affaire-là, excepté de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. In alayka illa al-balagh. C'est à toi seulement de transmettre. Wa alayna al-hisab. Et c'est nous qui allons les juger au jugement dernier. On va prendre leur compte. Et donc, le métier ou la tâche des prophètes, c'est de transmettre seulement. En ce qui concerne le fait de posséder la capacité ou le pouvoir d'amener un bienfait ou d'éviter un mal ou de nuire ou de donner la victoire ou la subsistance ou la vie ou la mort, tout ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui seul qui décide et qui contrôle ces choses-là. Donc, là. On peut dire que c'est par ijtihad. Parce que des fois, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une ijtihad et Allah subhanahu wa ta'ala le corrige s'il se trompe. Hein? Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran où Allah corrige le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trompe dans son jugement, Allah le corrige, c'est certain. D'accord? Comme dans ce verset-là ou dans l'histoire de l'aveugle, Abbas wa tawalla. Hein, il a donné précédence à celui qui était un homme important, et alors que l'autre qui était aveugle, qui était croyant, qui venait pour lui demander quelque chose, il l'a regardé avec un air renfrogné. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour blâmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait descendre ce verset, Abbasa wa tawalla, parce qu'il s'est trompé dans son jugement. Et donc, c'est pour ça que, alhamdulillah, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un jugement, s'il se trompe, il est corrigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, wallahu a'lam, si ça fait partie de ces cas-là. Donc on va arrêter ici, inshallah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.